Chapitre 5e, les deux frères. Il avait franchi la haie de l'enclos, et il rentrait à l'improviste par le jardin. Arrivé sous un massif où l'ombre commençait à s'épaissir, il entendit par la fenêtre de la salle basse une voix mêlée à celle de Marie-Ange. Il crut d'abord que c'était une voix de femme, tant elle était douce, tendre et langoureuse. Puis il s'approcha sur le bout du pied, et force lui fut de reconnaître une voix d'homme. Alors il posa la main sur la garde de son épée et se pencha en frémissant de colère. Mais il se recula bientôt comme frappé au cœur et balbutia d'une voix étouffée « Mon frère Luc !» Puis il se laissa choir sur un banc de gazon et il entendit le dialogue suivant. « Je précède mon père de quelques heures au plus, » disait le jeune homme. « Il arrive ce soir ou cette nuit avec son navire tout neuf, armé de beaux canons qu'il vient de prendre à Brest, et portant l'illustre dame qui veut bien être la marraine, Madame la comtesse Gabrielle de la Bourdonnais. Cette belle et riche veuve de 17 ans qui a perdu son mari l'an passé, le matin même de ses noces, précisément. Vous savez que le canot qui les portait à Dinard sombra sous voile, et que tous deux auraient péri à la fois sans le courage d'un de leurs invités qui sauva la jeune femme au péril de sa vie. Et ce généreux sauveur était Monsieur René, votre frère. Oh, je n'ai pas oublié cela. Soupira Marie-Ange. Madame de la Bourdonnais ne l'a pas oublié non plus. Elle a comblé mon père d'honneur à Brest. Elle s'est proposée d'elle-même pour marraine de sa goélette. Et elle vient présider à la bénédiction de la Gabrielle qui aura lieu demain soir. Vous connaissez la magnificence de M. Trouin. Il m'a fait prendre les devants pour ordonner une fête comme on n'en vit jamais à Saint-Malo. Un banquet de 5000 livres, un feu d'artifice, des coups de canon, une course de bateau, et comme c'est le mardi gras, un bal masqué. Dont Madame la Bourdonnais sera la reine. Soupira encore Marie-Ange. J'accours remplir les intentions de mon père, mais j'ai voulu d'abord me remettre à vos genoux, m'assurer que vous aimiez toujours votre fiancé, que vous avez gardé mon anneau, comme j'ai gardé le vôtre, et que vous êtes prête à combler enfin notre bonheur. Car voilà 2 grands mois que je ne vous ai vu, Marie-Ange. Ah, si vous saviez combien de larmes, de prières et de regrets j'ai confié cette bague depuis mon départ. » Ces mots furent prononcés avec un tel accent de tendresse que René sentit une larme se gonfler sous sa paupière. « Vous avez ma promesse, Luc, » répondit la jeune fille, « et dès que je serai tranquille sur le sort de mon père, oh, dès demain, je saurai ce qu'il est devenu. Dieu qui bénit nos serments n'empoisonnera pas notre joie par un malheur. Qu'il vous entende, Luc, et je serai heureuse d'appartenir à celui qui m'aura rendu mon père. Mais, Monsieur Trouin, qui n'a jamais voulu entendre parler de notre mariage, êtes-vous sûr d'obtenir enfin son consentement ? Oui, car je suis résolu à tous les sacrifices pour le mériter. Vous savez mon aversion pour cet état de marin que l'on m'impose, comme mal aîné de la famille. Je l'ai toujours avoué franchement. La gloire des braves m'effraie plus qu'elle ne me tente. Ma main tremblante n'est point faite pour porter l'épée. L'odeur de la poudre, la vue du sang, qui réjouissent les héros, me soulève le cœur et m'arrache des larmes. Mon pauvre père qui est né sur l'océan et qui ne comprend pas qu'un Trouan ne soit point un loup de mer a eu beau m'élever à la façon d'Achille, me tremper tout petit dans l'eau salée, m'attacher au mât de son navire, m'apprendre à jurer, à fumer et à boire de l'eau de vie. Tout cela n'a servi qu'à m'empêcher de croître, à me donner le mal de mer chronique et à me rendre timide par nature et par système. Mon ambition serait d'être un savant et un bel esprit. Je n'aime qu'un coin du navire où l'on m'a traîné de force. C'est celui où je cache mes livres et mes papiers, où je me console la nuit par la lecture des grossières occupations du jour. Eh bien, Marie-Ange, voyez à quel point je vous aime. Je vais renoncer à ces études qui me charment pour embrasser ces travaux qui me dégoûtent. Oui, poursuivit-il en s'exaltant de plus en plus, je me déferai de toutes les qualités que raille mon père pour afficher tous les défauts qu'il me souhaite. Il me reproche d'être sage comme une fille, de trembler auprès des dames comme auprès de l'ennemi, de ne pas oser faire des dettes, d'éviter les cabarets, les académies et les tripots. Eh bien, je ne courtiserai point les femmes, car je ne puis aimer et adorer que vous seul. Mais je jetterai l'argent par les fenêtres, je jouerai un jeu d'enfer, j'enverrai mes créanciers au diable, je m'enivrerai de rhum, de tabac et de poudre, je prendrai à deux mains cette épée que j'ai en horreur, et les yeux fermés, je verserai le sang humain. Je serai corsaire, en un mot, je serai forban. Et afin de me préparer à ce rôle, j'emporterai demain le costume au bal de mon père. Tout cela pour enlever son consentement à notre mariage, en obtenant de lui mon premier brevet de commandement. « Pauvre Luc, » balbutia la jeune fille avec attendrissement. « Mais je ne veux pas que mon bonheur soit votre malheur. Quelle fatalité, » ajouta-t-elle d'une voix indécise, « que M. René ne soit pas à votre place et vous à la sienne. » « Ah, c'est ce que je me dis toujours, et je vendrai mon droit d'aînesse moins cher qu'Ésaü. Monsieur René porte l'épée avec tant de courage et tant de joie, et je porterai la robe avec tant de convenance et de bonheur. Dieu sait où il arriverait dans la marine royale, et moi dans la magistrature ou la diplomatie. Je le vois d'ici, capitaine de vaisseau, peut-être chef d'escadre, et moi, président à mortier, consul ou ambassadeur. C'était notre rêve d'enfance et celui de notre mère, quand René périssait d'ennui à l'école et moi du mal de cœur dans cette baie. Je faisais ses thèmes et ses versions tandis qu'il maniait pour moi la rame et le gouvernail. Mon père nous surprenait et nous battait tous deux, mais nous recommencions dès le lendemain. On m'enfermait avec le livre des jugements d'Oléron et l'histoire héroïque des flibustiers, interdit à René comme des poisons mortels. Et je passais la nuit ses ouvrages à mon frère, qui m'envoyait en retour les débris de son Quinte-Curse et de son Virgile. Il y a 2 mois, n'a-t-il pas fait 1000 fois plus encore? Oh, dévouement que je n'oublierai jamais! N'est-il pas allé à ma place, attaquer cette canonnière de Plymouth, qu'il enleva si intrépidement à l'abordage? Pendant ce temps-là, je rédigeais dans sa chambre une belle amplification sur la gloire des Trabocas, à l'effet d'obtenir sa rentrée en grâce à l'université de Caen. Brave et excellent René! Quels furent mes remords, mes caresses et mes larmes, quand je le vis reparaître, tout couvert de sang, le bras déchiré par ses poignards anglais qu'il avait affrontés pour moi. Ah, moi aussi j'ai connu en ce moment l'ivresse des héros. Je demandais une épée, des pistolets, des canons. Je voulais vaincre ou mourir pour venger mon frère. Et lui, il m'embrassait en riant de sa blessure et de mon délire. Il me remerciait avec effusion de lui avoir donné le plus beau jour de sa vie. Ah, j'en pleure encore d'admiration, de honte et de reconnaissance. La voix du jeune homme se perdit en effet dans ses pleurs. Marie-Ange pleurait aussi de toute son âme et des soupirs étouffés partaient également du jardin. Notre bonne mère, continua Luc, était complice de ces changements de rôle et nous servait de bouclier contre les fureurs paternelles. Elle nous aime tant, pauvre mère, et donnerait si volontiers son bonheur pour assurer le nôtre. Mais elle n'a pas réussi mieux que nous à changer les résolutions de notre père. Il faut que mon frère ronge sa chaîne sur les bancs de l'université jusqu'à ce qu'il soit devenu le plus détestable avocat de France. Et moi, je dois acheter au prix de mes goûts, de mon repos, peut-être de ma vie, ce brevet exécré qui m'assurera seul votre main. Bientôt, je l'espère, je serai lieutenant sur la Gabrielle. J'oublierai alors tous mes chagrins en devenant votre mari, et mon existence se partagera en 2 portions cruellement inégales. Quelques jours de bonheur céleste auprès de vous, Marie-Ange, et de longs mois de douleur et de misère sur l'océan. Non! « Par la Corbleu, cela ne sera pas !» s'écria tout à coup une voix énergique. Et d'une main essuyant ses larmes, de l'autre, s'accrochant au balcon, René s'élança d'un bond dans la salle.